les matins la même pensée. Tous ces artistes confirmés qui me font penser. L'inspiration ne peut venir que de moi. Ça, je le sais déjà. Ce n'est juste vous qui pour cette petite histoire. Vous avez encore du mal à le croire. Mais pourtant, nous sommes bien là. Inspire d'une pointe de cisla. La vérité, c'est que sans tous ces artistes-là, nous n'aurions jamais pu faire tout ça. Pourrait-il nous dire pourquoi? Pourquoi? Je suis sûr qu'ils ne le savent pas. Tout a débuté dans les années 90, à l'heure où la techno était dans le top 10. Ça nous rend à ce point nostalgique. On aimait tellement la musique. Peu importe l'histoire qu'on a vécue, la musique nous a convaincus. Un bon moyen de se réfugier dans nos rêves les plus détruits. Space on idea in my mind. I don't wanna know what are you thinking. Bring some love every time. Work it, all day. A special idea in my mind. I don't wanna know what are you thinking. What are you thinking? Bring some love every time. In my mind, she's like a lenji. A special idea in my mind. I don't wanna know what are you thinking. Bring some love every time. Work it, Audi. A special idea in my mind. My mind. I don't wanna know what are you thinking. What are you thinking? Bring some love every time. In my mind, she's like a lenji. Pas de beat pour nous améliorer, on aime ça. Michael nous a montré, démontré ça. La génération freestyle. À nous la bataille. On est content. On est content. On est content. On aime ça, nous aimons aussi. C'est pour tout ça que l'on c'est pour tout ça que l'on vous remercie tous beaucoup. Tous ces artistes au bon goût. Vous nous faites rêver. Alors continuez. Tout est bon pour l'esprit, tout est bon, oui. Tout est bon pour l'esprit, tout est bon, oui. Special idea in my mind. I don't wanna know what are you thinking. Bring some love every time. Work it, all day. A special idea in my mind. My mind. I don't wanna know what are you thinking. What are you thinking? Bring some love every time. In my mind, she's like a lenji. A special idea in my mind. I don't wanna know what are you thinking. Bring some love every time. Work it, Audi. A special idea in my mind. My mind. I don't wanna know what are you thinking. What are you thinking? Bring some love every time. Woo! In my mind, she's like a lenji. Oh God, you're so-